Radio Lyon 89.5. Du mardi sur 2 à 21h. Et aussi sur radiorageuse.net. Et bien sûr qu'on est prêt à Comme un ouragan. Parce que c'est 21h04. Et du coup, bienvenue ce soir, chers auditeurices de Radio Audio et peut-être depuis les ondes FM et les ondes des internets. Voilà, et ce soir, on a préparé une petite émission Feel Good. On aime bien parce que ça fait un petit jeu de mots avec notre fil qui s'appelle Feel du Feel Good. Ouais, c'est ça. Le c'est fil, pas mal, hein. Ouais, le fil, ça veut dire un petit peu notre déroulé écrit de l'émission de radio. Ça nous a mis en joie tout à l'heure, et c'est le but de cette émission. Voilà, c'est un peu ça. On s'est dit de passer un peu des trucs qui donnent la pêche, peut-être qui font du bien, qui peut donner la pêche. On s'est demandé qu'est-ce qui nous fait du bien quand on va pas bien, quand on a envie de buter tout le monde. Ça arrive, j'imagine, à tout le monde. Alors, on va lire des textes écrits par des camarades. On va lire des textes par des auteurs qu'on ne connaît pas en direct. On va écouter beaucoup de la musique. On va parler des films d'action. On va avoir un agenda pour savoir qu'est-ce qui se passe à Saint-Thé, les trucs qui font du bien, parce qu'en vrai, il se passe plein de choses. Il y a des extraits des brochures. On va avoir des dédicaces. Bien sûr, parce que en fait, c'est important. Les amis, c'est important. C'est très important. Et tout ça, c'est moi en fait qui va introduire le premier montage. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé, parce que l'idée de cette émission date d'une semaine. Alors, j'étais avec une personne très chère de moi qui m'a fait beaucoup de bien. Que j'ai demandé, en fait, toi, tu fais quoi quand tu vas pas bien? Ou qu'est-ce qui te fait du bien? Et elle m'a répondu, j'écoute des chants révolutionnaires et je regarde des fleurs. Et j'avoue, j'ai éclaté de rire. Et heureusement, parce qu'en en fait, elle a pris un peu mal de que j'ai éclaté de rire ou pas. Mais après, elle m'a envoyé un montage pour m'expliquer en fait en plus les liens entre regarder les fleurs et écouter les chants révolutionnaires, et on va s'écouter ça, et avec une grand merci à cette personne. J'ai dit cette personne parce que je sais pas si je peux dire ton nom. En tout cas, merci, ça m'a fait pleurer d'écouter, et ça m'a fait beaucoup du bien, et alors j'imagine aussi à plein d'autres personnes. Merci. Quand ça va pas trop, que je me sens un peu à côté de mes pompes, ou quand ça va pas du tout, et que mes sourires ne parviennent plus à cacher mon découragement, j'écoute des chants révolutionnaires ou des chants de lutte. Et je sors regarder les fleurs. J'aime bien les fleurs, et d'ailleurs, les chants de lutte en parlent souvent. Peut-être parce qu'elles ont ce côté beau et tragique à la fois. Peut-être parce qu'elles ont comme un parfum de liberté, ou encore parce qu'elles poussent dans les friches, dans les gravats, dans la merde, parce qu'elles sont obstinées. et qui traîne en liberté où bon lui semble. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution, quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère, monte en barricade. Peut-être parce qu'elles promettent d'autres printemps, avec à la main un joint, une rose et un œillet. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo è il fiore. Parce que fleurir les tombes ou le souvenir de nos mortes nous aide à garder leur mémoire vivante. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Ou bien à cause de ce qu'elles disent dans le poème. Alors que nous arrivons, un million de cuisines sombres, un million de greniers sombres, sont touchés par l'éclat d'un soleil radieux soudain, car l'on nous entend chanter « Du pain et des roses, du pain et des roses ». Alors que nous arrivons, marchant, d'innombrables femmes mortes pleurent alors que nous chantons leur antique cri pour du pain. Leur esprit besogneux connaissait l'art, l'amour et la beauté. Oui, c'est pour le pain que nous nous battons, mais nous nous battons pour les roses aussi. Alors voilà, j'aime bien les fleurs. Elles m'aident à tenir et à lutter, au moins un jour de plus. One day more, one day more. People, let me tell you what we're fighting for our future, don't you understand? And we don't need your pity, we just need your helping hand to fight one day more, one day more. If the company holds out 20 years, we'll hold out one day more. One day more, one day more. If the company holds out 20 years, we'll hold out one day more. Ah! Alors, on vient d'écouter Sororidad Anticorpus, qui ça veut dire comme Sisterhood. Alors, je trouve qu'il marche très très bien avec notre émission. Et en fait, je l'ai choisi parce que je trouve aussi la musique, écouter la musique, ça fait du bien. Et bon, ça dépend des personnes, c'est laquelle des musiques qui fait du bien. Moi, par exemple, c'est ça qui me fait du bien. Alors, j'ai l'impression maintenant, c'est une autre personne qui va nous raconter des choses. À toi, Mimo. Ouais, salut. Moi, j'ai réfléchi un petit peu cette semaine en me demandant qu'est-ce que je faisais quand j'avais envie d'aller bien et de vivre des choses qui me font plaisir. Et une des choses qui me fait très plaisir, de manière générale en fait, c'est de me plonger dans des trucs de fiction, dans des bouquins ou dans des films aussi. Et là, j'ai choisi un extrait d'un bouquin que j'aime bien et je vais vous en lire un petit passage. Et alors, en plus, je vais faire un truc qui ne se fait pas du tout normalement, parce que je vais vous lire la fin de ce bouquin, les deux dernières pages pour être précis. Et donc, en fait, si vous ne voulez pas être spoilé, peut-être il ne faut pas tout écouter maintenant. Mais en fait, ça ne spoile pas grand-chose. Et il y aura des noms de gens que vous ne connaîtrez pas et que moi aussi, j'ai oublié qui c'était exactement, en fait. Donc, ce n'est pas très important. Ce livre, c'est Subtil Béton. Ça a été écrit collectivement par un collectif qui s'appelle Les Agglomérés. Et on les embrasse d'ailleurs. L'émission historique doit battre son plein, rappelant des événements jusque-là négligés. Va-et-vient sur le pont pour préparer le départ. D'un coup, nous entendons hurler. Elles sont là, elles arrivent. Pedro, qu'est-ce que tu fous? Il y a des milliers de choses à faire. Et toi, tu es encore en train de planer. Regardez les géantes, elles arrivent. Elles viennent nous soutenir aussi, c'est formidable. Pedro, on n'a pas besoin de s'inventer des géantes, c'est nous les géantes. Nous tournons la tête. Dans le soleil couchant se découpent, sur le ciel orangé, trois grandes silhouettes. Une baleine se pose et explique, solennelle. C'est un grand jour. Normalement, les géantes ne sortent que de nuit, mais là, elles font une exception pour la fête de la Calype. Une fois votre message transmis par radio, nous irons tout ensemble rejoindre le port. Nous les observons. Elles sont au pied des grandes piles. Elles s'assoient dans les fonds marins, doucement pour ne pas faire de vagues. Et l'eau leur arrive tout juste au niveau du nombril. Et là, nageant tout autour d'elles, des mouettes. De belles mouettes bleues des profondeurs, avec des coquillages sous le ventre et des jets d'eau au sommet du crâne qu'elles braquent sur les reins des géantes. Elles leur payent une baignoire à bulles de luxe. Soudain, une dizaine de tentacules roses immenses percent la surface de l'eau pour malaxer leurs épaules dodues. Sans doute un calamar ou plusieurs, passé maître expert en massage relaxant. Les géantes nous font coucou avec de grands sourires, visiblement ravies de se faire chatouiller par des mouettes et autres monstres des profondeurs. Vous et moi, nous ne sommes pas naïves au point de gober des délires pareils. Nous avons besoin d'explications qui tiennent un minimum la route. Mais nous avons besoin de rêves aussi, d'imaginaires qui nous font du bien, qui nous calment et nous apaisent. J'assimile progressivement l'histoire des mondes libres. Ces révolutions qui nous semblaient si lointaines sont soudain palpables. Des communautés s'organisent en dehors des logiques capitalistes et autoritaires, des révolutionnaires qui bâtissent aussi. Une part de nous était trop franconisée pour l'envisager. L'émission est finie. Nous contemplons les premières étoiles à l'horizon. Faz frôle le bras d'Izem qui l'enlace d'un coup. À quelques mètres de là, l'appréhension tenaille Alex, accroché à la barrière. Pedro lui susurre « Allons faire la fête à la Calype, ne tire pas cette tête. » Il lui caresse le dos, la couvre de mots gentils et Alex pleure. Elle va faire monter la marée à la mauvaise heure si elle continue. Elle répète en boucle des « je sais pas, je sais pas, je sais pas ». Dudu, sur les genoux du nain inconnu, apprend ses premiers mots non franconiens. Stern tournoie toujours à 10 000. Tileli s'adresse à toute la troupe. Qui aurait cru que ça puisse fonctionner? Alors, nous nous exclamons en chœur. Le capitalisme, on va le bousiller, quand ça? Et tout le monde répond, maintenant, Now, Alan, Manre, Akum, Jetzt, Ora, Iteinei, Tora, Xianzai, Imdi, Aora, Ankehitrini, Ntani. Un sacré tumulte de hurlements mélangés. Et le patriarcat, on va le bousiller, quand ça? Alan, maintenant, Now, Xianzai, Akum, Aora, Jetzt, Tora. Et le racisme, on va le bousiller, quand ça? Alan, maintenant, Tani, Xianzai, Imdi, Aora, Jetzt, Manre. Et l'état d'urgence, on va lui faire sa peau, quand ça? Waouh! C'est maintenant, en fait, ça se passe. j'ai des difficultés de parler parce que ça m'a un tout petit peu touchée, en fait. on va s'écouter un autre texte parce que, en fait, j'ai quand même demandé à plusieurs personnes. Donc aussi, mes colocs, qu'est-ce qui te fait du bien? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as des trucs à nous dire, un petit texte à lire peut-être? Effectivement. Moi, quand ça ne va pas trop, un de mes trucs possibles, c'est écrire. Et ce texte, je l'ai écrit il y a quelques années en arrière pour une soirée cabaret féministe. Et... je l'écris depuis le point de vue d'une bouchémo sur son milieu. C'est un texte que j'adresse ce soir à ma communauté, c'est-à-dire la communauté transpédéguine branche anarcha-féministe. On me dit loveuse. Sur la question, je me trouve plutôt rêveuse. La réputation vient rarement de nulle part. Alors ok, c'est bon, je prends ma part. Je kiffe les gouines. Je les admire. Les adules même, quelquefois. Les punks, les geeks, les à l'arrache, les Shaolin. Les musiciennes, les aventurières, les sorcières, je les kiffe. Je vous avoue, des fois, même les relous, elles rendent mon cœur tout mou. Les chieuses, les exagéreuses, les toujours râleuses ou un peu fiévreuses. Bah, elles aussi, elles me rendent heureuse. Les intellos, celles qui n'ont pas froid dans le dos. Même celles qui me regardent de haut, je peux pas m'empêcher. Je les kiffe. Alors ouais, je suis une fucking loveuse. Mais s'il te plaît, laisse-moi rajouter quelques mots à la suite. Le laisse pas tout seul, ce mot-là, sans logique. Laisse-moi être une loveuse. Rêveuse, généreuse, une grosse bouche sensible qui partage ses émois avec toi. Laisse-moi aimer, au-delà d'une relation exclusive ou pas, au-delà des draps, des trop petits schémas. Mon univers, c'est vous, c'est toi. Avec vous, j'ai grandi, je me suis construit, j'ai appris à prendre ma place. Sans enfant, sans mari, la famille que j'ai choisie, c'est vous qui êtes ici. Décision mûrement réfléchie. J'ai pas changé d'avis. C'est parmi vous que je veux mener ma vie. Les discutes mécaniques, les soirées chics, les réus alcooliques, les débats frénétiques. Mine de rien, ça forge les convictions politiques. Peut-être même une éthique. C'est un peu la version sans limite de la classe de découverte ou de la sortie pédagogique. Si tu veux, tu le prends en mode formation continue, même si t'es pas toujours enthousiasmé par le contenu. Si tu te mets en grève, c'est tes potes qui te tombent dessus. Au début, bien sûr, grave timide, je faisais pas ma fière. En 2000, tout pile, je suis passée des tonnes de fois devant une de tes maisons squattées. Tu me croiras si je te dis que pour sonner à la porte, j'ai mis des mois. Une fois passé le seuil, je me sens toute chose. J'y crois pas. J'ai enfin réussi à faire ça, à connecter avec toi. Doucement, je découvre tes codes. Fais mienne tes modes. Protectrice, des comptes critiques, je rétorque, je réplique. Bouchemo, au milieu des Amazon Warriors, je sens ma place qui se dessine. C'est fort. J'ai senti que tu croyais en moi. Je te dis pas le boost, c'est ouf. Tu m'as pas lâchée, même portée à bout de bras quelquefois. Pourtant, c'est sûr, je pèse mon poids. De mon côté, j'ai quasi tout donné pour toi. J'ai pas hésité à y laisser une partie de mon foie, des nuits blanches, des cheveux gris, des idées noires, mon cœur rose à étoiles pailletées, je t'ai tout donné. Ok, je suis une pure loveuse. Mais de notre école autogérée, je garde l'esprit prompt à critiquer. J'oublie pas que tu n'es pas parfaite, loveuse, ok, mais pas à l'aveuglette. Avec mes 6 stades d'envergure, on t'a obligé à revoir tes ouvertures. Avec mes sœurs Femme et Butch, il t'arrive de faire ta raclure. Pas que je veuille te prendre de haut ou quoi, mais sérieux, regarde-nous mieux que ça. Et t'inquiète, on garde fière allure. Cette culture Gwyn perdure. Alors ouais, je suis une grosse loveuse. Mais reconnais-moi un truc. Sérieusement investie dans cette relation depuis plus de 20 ans. Je m'autorise à aller une fois de temps en temps. Pas que je veuille rompre, ni même négocier un contrat non exclusif. Pour mettre un pied de temps à autre dans le ghetto des normaux. Non, c'est pas ça. Je râle parce que la vieille Gwyn que je suis, sent, voit, sait qu'on peut faire mieux. Mon petit milieu TPG féministe, chérie. Bien sûr, je t'aime à l'infini. Mais vois-tu aussi, quelquefois de toi, je n'en puis plus. Ton côté mélodrame permanent. Tes crises de politiquement correct. Tes poussées aiguës de purisme purulent. Abattent mes trésors de patience et de dévouement. Malgré tout, je reste une loveuse. Alors oui, je t'aime encore et au corps. Mais plus comme au début. Je t'aime comme on aime sa vieille camarade, toujours là pour râler à nos côtés, avec amitié et agacement. Je t'aime comme on aime une grand-mère gentille, avec une infinie tendresse, tout en sachant que quelquefois, tu es complètement à côté de la plaque. Je t'aime comme on aime sa petite sœur Gwyn, qui se lance dans l'aventure, avec bienveillance et amusement. Je ne t'aime plus comme avant, avec passion et engouement. Je t'aime avec lucidité, paisiblement. Après plus de 20 ans, avec toi, je veux serrer le poing bien fort. Et viser la lune, ça nous fait toujours pas peur. Des sacrifices, on en a déjà fait. S'il le faut, on en refera. Tu peux compter sur nous, sur moi. Les normaux pensaient qu'entre toi et moi, ça durerait pas. Que c'était une passade, une estocade, ou le résultat de brimade. Quoi qu'on en dise entre toi et moi, il y a vraiment quelque chose où je m'y connais pas. Thank you. Bricoler des outils pour soi-même en temps de tempête et pour faciliter la coordination entre soi et ses soutiens. On va parler un petit peu tempête et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Et c'est justement le nom de la chanson qu'on vient d'écouter, qui s'appelle Tempête, et c'est de Mansfield Tia. Pour parler tempête, en fait, je voulais juste présenter une petite brochure qui existe et qu'on trouve facilement sur Info Kiosque et ailleurs. Enfin, je crois qu'elle est sur Info Kiosque, mais en tout cas sur le net, on la trouve facilement. Qui s'appelle Guide de navigation à nos troubles. Elle a des jolies illustrations. Elle fait une vingtaine de pages. Et je vais vous lire un peu la description de cette petite brochure. Ceci est une petite brochure dont le but est de mettre à plat tes difficultés, tes forces et tes ressources. De faire une cartographie pour naviguer dans les eaux troubles, crises, folies, angoisses et particularités. Cette brochure est à l'intention des personnes vivant des particularités de l'ordre de la santé mentale. En réfléchissant sur les signes avant-coureurs, les triggers, déclencheurs, les oppressions que l'on subit, les personnes et lieux ressources, on révèle nos chemins propres en nommant ce qui nous oppresse et ou nous fait souffrir et comment on pourrait arriver à s'en sortir. Quand on vit des émotions ou des situations particulièrement intenses, il est parfois difficile d'accéder à nos propres ressources et avoir noté quelque part ce que l'on sait qui fonctionne ou non pour s'auto-aider ou accepter l'aide des autres peut potentiellement être soutenant et précieux. Évidemment, cela peut être difficile de consigner par écrit tout cela, de rationaliser et de figer les choses par l'écriture. Mais il ne s'agit pas là d'un automode d'emploi, sauf si tu le conçois comme tel, mais plutôt de quelques pistes et stratégies. Tu peux donner des copies de ce guide aux personnes de ton groupe de soutien, à tes proches, si tu le souhaites, ou à d'autres. Tu peux aussi décider de ne pas le partager et de l'utiliser comme outil d'auto-soutien. Si tu partages ton guide avec des amis, l'idéal serait d'en discuter avec elles. L'idée de cette brochure n'est pas d'en faire un scénario unique en cas de crise. Ça peut être une aide pour que tu puisses demander de l'aide et une aide pour les personnes soutien afin qu'elles connaissent mieux tes besoins, leur marge de manœuvre et tes limites. Cela peut être un support pour amorcer un dialogue autour de nos besoins et nos limites dans des moments de détresse. Il faut aussi ne pas oublier que parfois le soutien et l'aide se fait entre deux ou plusieurs personnes vivant chacune des difficultés et que ne pas être capable ou disponible pour aider une amie n'est pas du rejet. Tes amis comme toi-même avaient le droit de ne pas toujours être capable ou disponible. Cette brochure, c'est une brochure que tu peux utiliser comme un support en fait de réflexion et que soit tu le gardes pour toi, soit tu partages si tu as envie de l'utiliser, si elle te parle. Et voilà, c'est tout. C'était ma petite présentation de la brochure. Il y en a d'autres qui existent, il y a Cartogafolie aussi. Voilà, mais elles sont toutes un peu en lien. Trop bien, merci. Moi, je vais continuer de vous faire une petite lecture de Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. Je crois que ça marche quand même si on ne connaît pas les livres. Peut-être que ça marche mieux quand on connaît les livres. Et sinon, ce sera une super option pour le lire après parce qu'elle est vraiment super, cette livre. En tout cas, c'est un moment entre Jess et Ruth, les deux qui sont voisines dans l'immeuble. Et ça parle de la bouffe et l'amitié. Et alors, deux choses déjà qui font beaucoup du bien. Cet après-midi-là, je suis partie m'acheter un nouveau chino et une chemise. Je me suis arrêtée au marché des producteurs pour acheter de la gelée des dentelles de la reine Anne, juste parce que j'en adorais le nom. J'ai déniché d'énormes myrtilles chez Baducci et une cassette de Miles Davis chez Tower Records, qui, j'en étais sûre, manquait à sa collection. Ruth a ri de plaisir face à cette petite avalanche de cadeaux. On mangera ces métiers en dessert. Et je crois que j'ajouterai une cuillère de cette gelée à notre thé. Mais comment as-tu deviné que je voulais la cassette de ce concert? J'ai souri timidement. Je suis ta voisine. Ruth a ri. Aucun doute là-dessus. Assise-toi. Sa cuisine était un millimélo de senteur. Elle a posé une énorme salade devant moi. Les bols étaient remplis des haricots d'une variété que m'était inconnue et parsemés des fleurs jaunes orangées. Mes yeux se sont emplis de larmes. Ruth, il y a des fleurs dans ma salade. Elle a souri. Ce sont des capucines. Elles sont belles, n'est-ce pas? Je peux les manger? Elle a hoché la tête. J'ai secoué la mienne. Je déteste l'idée de manger ça. C'est comme détruire une œuvre d'art. Ruth s'est assise à côté de moi. Ça montre bien à quel point tu as été affamée jusqu'ici. Je crois que tu as peur que ce soit la dernière belle chose qui t'arrive. Alors tu veux t'y accrocher. Comment as-tu deviné? Ruth a souri. Je suis ta voisine. Cette salade est merveilleuse, Jess. Je l'ai faite exprès pour toi. Mais la suivante, ce sera succulente, elle aussi. J'ai rougi et j'ai posé ma fourchette. Tu vois ces moments où tu as des fourmis dans les jambes et que ça fait mal quand la circulation revient? Je ne sais pas si je veux espérer. Je ne veux pas être de nouveau dessus. Ruth m'a tapoté le bras. Nous deux, on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur la déception. Alors pas besoin de l'anticiper. Elle s'est levée, elle a mis la cassette que je lui avais apportée. Alors que je mangeais ma salade, des larmes ont coulé le long de mes joues, sans raison apparente. Ruth a souri. C'est du vinaigre balsamique. C'est délicieux, n'est-ce pas? Comment pouvais-je expliquer que le goût des capucines et du vinaigre balsamique sur ma langue me fasse pleurer? Désolée, j'ai dit en séchant mes larmes. C'est précisément pour ça que tu ne voulais pas me laisser rentrer chez toi, pas vrai? Pourquoi tu es si gentille avec moi maintenant? Ruth a reposé sa fourchette et a posé sa main sur la mienne. Je suis désolée d'avoir été si froide. Je t'avais mal jugée. J'ai cru que tu étais effrayée et perdue. Et j'ai eu peur que tu aspires mes forces. Quand tu as pris de la distance, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à te cerner, ce qui est, selon moi, une très charmante qualité. Tu semblas finalement beaucoup plus forte et plus calme que ce que j'avais cru au premier abord. Alors j'ai changé d'avis, c'est le droit de toute femme. Elle a souri. Qu'est-ce qui t'a décidé à me laisser enfin rentrer chez toi? Ai-je demandé. Ruth m'a pressé la main. La couleur de mes cheveux, c'est ma façon de clamer au monde que je ne me cache pas. C'est une couleur difficile à porter, mais je le fais pour célébrer ma vie et mes décisions. Cette couleur dérange la plupart des gens. Seule une personne particulièrement extraordinaire pouvait la comparer à celle du sumac. J'ai ri en mangeant ma salade du bout des lèvres. Est-ce que tu sais que si je suis un homme ou une femme? Non, a répondu Ruth. Et c'est bien pour ça que j'en sais autant sur toi. J'ai soupiré. T'as cru que j'étais un homme la première fois que tu m'as vu? Elle a hoché la tête. Oui. D'abord, j'ai cru que tu étais un homme hétéro. Ensuite, que tu étais gay. Ça m'a fait un choc de constater que même moi, j'ai des préjugés en matière du sexe et du genre. Je me croyais libérée de tout ça. J'ai souri. Je ne voulais pas que tu penses que j'étais un homme. Je voulais que tu vois que je suis bien plus complexe que ça. Je voulais que tu apprécies ce que tu voyais. Ruth m'a effleuré la joue du bout des doigts. J'ai frémi. Eh bien, je n'ai pas tout de suite compris, mais je me suis dit que tu avais l'air intéressant et que tu étais terriblement mignon et canon. Même ces mots étaient des cadeaux. J'ai baissé les yeux pour qu'elle ne voie pas à quel point j'avais faim de son attention. Ruth, j'aimerais tellement qu'on ait nos propres mots pour nous décrire nous-mêmes, pour tisser des liens entre nous. Ruth s'est levée et a ouvert le grill. « Je n'ai pas besoin d'une nouvelle étiquette », a-t-elle soupiré. « Je suis ce que je suis, rien d'autre. Je m'appelle Ruth, ma mère s'appelle Ruth Anne, ma grand-mère s'appelle Anne. Voilà que je suis, voilà d'où je viens. » J'ai haussé les épaules. « Moi non plus, je ne veux pas d'une nouvelle étiquette. J'aimerais juste qu'on ait des mots assez jolis pour sortir sans aucun autre but que de les crier haut et fort. » Mon regard s'est fixé sur le steak dans l'assiette que Ruth posait sur la table. « C'est quoi ces trucs dessus qui ressemblent à des brandies ?» lui ai-je demandé. « De la sauge », a-t-elle répondu. Armée d'une cuillère, elle a disposé de toutes petites carottes et une citrouille miniature sur mon assiette. Elle a ouvert la porte du four et m'a servi du pain fumant et du beurre doux. Chaque bouchée avait le goût d'une symphonie jouée dans ma bouche. Passons maintenant au merveilleux dessert que tu as apporté, a dit Ruth. Elle a rempli deux bols en faïence de myrtille, a versé un filet de crème épaisse par-dessus et a saupoudré le tout de sucre. J'ai cligné des yeux pour chasser mes larmes et je lui ai serré le bras. Ruth, les mots sont restés coincés dans ma gorge. Elle a posé sa main sur la mienne. Je sais tout de la faim, de la frustration et de l'envie, Jess. Elle a levé sa tasse. « À l'amitié ? » a-t-elle demandé. J'ai trinqué avec elle. « Oui, » et j'ai répondu. « À notre amitié. » Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? No, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Mm-hmm. Continuer. Attends, faut savoir qui c'est. Ben j'imagine, pour continuer, il faut savoir qui c'est. Tout le monde sait que c'était Imani, You Will Never Know. Voilà. Et ça nous a mis une belle émotion dans le studio. On a tous un petit peu dansé et partagé ce petit moment qui fait sacrément du bien. Et pour continuer, moi je vais vous proposer un petit agenda du mois de février sur les sorties culturelles possibles à Saint-Étienne. Alors bien sûr, il n'y aura pas tout, mais en tout cas, c'est des exemples de trucs qu'on peut faire pour sortir pour pas cher ou gratuit, et en tout cas pour aller un petit peu se changer les idées et aller écouter des histoires racontées par d'autres et voyager un petit peu avec. Par exemple, vous pouvez aller au cinéma demain de 14h30 à 16h30 à la Cinémathèque de Tarentaise, rue Jogoudbarge, quartier Beaubrun, Tarentaise. C'est gratuit et du coup, il y a le film E.T. Voilà. E.T., c'est sorti en 1982 et c'est l'histoire d'un petit extraterrestre qui se perd dans la forêt à la sortie de sa soucoupe volante, mais qui devient super copain avec un enfant qui s'appelle Elliot. Et ensemble, ils vont avoir une grande histoire d'amitié et vivre des aventures. Voilà, c'est demain après-midi à la Cinémathèque. Vous pouvez aussi aller au théâtre, par exemple, et notamment à la Comédie de Saint-Étienne. Au mois de février, il y a notamment des séances gratuites de vendredi 10 jusqu'à samedi 18 février, du coup toute la semaine. Il y a notamment la présentation des projets personnels des élèves actuels de la Comédie. Et du coup, c'est gratuit, ça s'appelle Promotion 31, projet personnel. Et du coup, c'est possible de voir les élèves qui proposent un peu des productions théâtrales. Il y a aussi, toujours à la Comédie, de mardi 21 février au vendredi 24 février, un spectacle qui s'appelle 1983. Ce spectacle, il s'appelle 1983 parce qu'il retrace une année un peu en France historique, parce qu'il y a eu deux événements qui se sont télescopés, qui est à la fois la marche pour l'égalité et contre le racisme, et en même temps, 1983, c'est la première élection d'un maire Front National à Dreux. Du coup, c'est un spectacle où il y a 8 comédiens sur scène qui allient témoignages, chansons, archives et qui va questionner un petit peu la transmission de la mémoire. Quel récit on a hérité? De quel récit souhaitons-nous pour notre présent? Là, ce spectacle, il va de 5 euros à 20 euros, sachant qu'il y a des tarifs solidaires à 5 euros, notamment pour les personnes qui ont le RSA. C'est possible aussi d'aller écouter des chorales et des chants, notamment samedi 18, du coup samedi prochain, à la cale du Crédroc, au 16 rue Royer, où il y a une conférence chantée qui s'appelle « Voix d'Italie, voix migrante », où il y a deux chanteurs qui vont nous guider dans un voyage sonore. En gros, ça va être retransmission de chants italiens, parce qu'il y a une énorme production de chants de lutte et d'exil, sans auteur connu et qui a été transmis oralement et capable d'exprimer le sens collectif de la perte, du déracinement, de la peur, mais aussi de l'espoir de trouver un lieu où vivre avec dignité. Donc voilà, samedi soir au Crédroc. Il faut manger aussi. Du coup, dimanche midi, il y a un repas proposé par le collectif Une Cantine pour Cantiner. Du coup, c'est des excellents repas vegan à prix libre en soutien aux luttes anticarcérales, et notamment les sous iront aux proches de personnes incarcérées pour alléger la charge financière qui en découle. C'est très délicieux et c'est de midi à 14h à La Tablée, La tablée, c'est en bas des marches du Crédroc. Aussi, en autre chose qu'on peut faire pour continuer un petit peu à se défouler, par exemple, on peut avoir envie d'aller écouter de la musique et danser. Du coup, il y a des super concerts la semaine prochaine, notamment mercredi prochain, du coup, pas demain, mais la semaine d'après, mercredi 22 à la Gueule Noire, rue du Mont, où il y a plusieurs groupes. Il y a Bouledagang, Faucon, Grâce et Volupté Van Van et DJ Hétérocide qui vont nous faire un super plein de concerts live où on va danser et s'éclater. Et tout ça, ça va être en soutien à Radio Rageuse, la fameuse plateforme d'émission féministe. Et c'est pas fini, puisqu'on n'en est que à mercredi prochain. Il y aura aussi un week-end où il y aura pas mal de... d'événements en soutien aux luttes anticarcérales, avec notamment vendredi 24, du coup, dans à peu près deux semaines, une conférence gesticulée à 20h, encore une fois à la cale du Crédroc, conférence gesticulée qui s'appelle Parloir et qui raconte ce qui se passe justement pendant les parloirs. Et ça suit avec le lendemain soir, du coup, samedi 25 au soir à la Gueule Noire, un concert en soutien aux luttes anticarcérales avec plusieurs groupes de hip-hop de Saint-Étienne, dont Kazo, et ça sera à la Gueule Noire le soir. Et le dimanche 26, toujours à la Gueule Noire, à 17h, il y aura la projection du film Indianara, puis à 19h, groupe en live, Hostile et Rock et Dudu. Et les sous qui seront frais à l'occasion de cette soirée iront en soutien à la Casanem, un squat transpute à Rio qui s'est fait attaquer par les bolsonaristes. Voilà, du coup, tous ces événements en février pour aussi écouter des histoires, lutter ensemble, se faire porter, danser, etc. quoi. Et dans les autres choses qui font du bien, bah, y a les amis et il y a la musique, du coup... Ouais. On avait aussi envie là de faire des petites dédicaces. Du coup, deux chansons dédicaces à deux super copines. Une pour Pau, on t'aime, bon courage avec ton genou. Bon courage. Voilà, le dance floor a frappé encore une fois. En tout cas, pour Pau, on va se passer Parapluie de Lala Ace et autre chanson dédicace à une autre de nos grandes chéries. Niette, bon anniversaire. On te passe Bad Kids de Black Lips. Bon anniversaire. Et c'est pas fini après. Just a little bit pour les digitures dans le corps. Shop simple. Et je suis déjà loin dans le club. J'ai vu tes appels, bête. T'étais apprêté, vu t'as un appel. Toi t'es un malheur, t'es dis pour allaiter. Je veux que tu sois mienne. Pluie annoncée. Juste une petite pire, je suis lancée. Même si j'ai trop mancé, juste un peu de pluie annoncée. J'ai que t'y as pensé, maintenant je peux plus renoncer. Je t'ai vu te pencher, passionné. Que je te donne ça bien, je t'en poussé jusqu'à la fin. Sous parapluie à plein, plein, plein, plein, plein, plein. Que je te donne ça bien, je t'en poussé jusqu'à la fin. Dans le bac, no VVS, no ice, c'est ma neck. Juste un collège, la frappe, attends pas un text back, c'est ma neck. Dans la express, dans le bac, no VVS, no ice, c'est ma neck. Just go on. Juste un collège, la frappe, attends pas un text back, just tourne sur la pole, hein. Baby, tes eyes on me, appuie ton ass on me. Avec toi j'ai plus peur, carrément j'ai plus l'heure. J'suis trop fâche, j'ai plus money. J'ai que t'y as pensé, maintenant j'peux plus renoncer. J't'ai vu te pencher, motionné. Que j'te donne ça bien, j'suis t'en poussé jusqu'à la fin. Sous parapluie à parler, je la frappe. Tant pis, un texte pas qui m'a négé. Je me permets de rajouter un événement à la liste des événements culturels. Ce n'est pas un événement local, ça va se passer à Grenoble, mais c'est l'anniversaire de l'émission de radio féministe Dégenrée. Cette émission a 20 ans et ça se fête. Et ça se passera samedi, dimanche prochain, il y a 24 heures d'antenne. Il me semble que c'est à partir de samedi 9h jusqu'au dimanche 9h. Il y aura plein de choses, des directs, des enregistrements, des concerts, des prises de parole géniales. Et 20 ans d'émissions féministes, c'est quand même un petit bout d'histoire, c'est quelque chose. Et je vous invite à écouter, c'est sur Radio Campus et c'est sur le net. J'imagine qu'il y a des infos sur radiorageuse.net. Ouais, et c'est même à partir de 8h samedi matin. Quels sont... Ça commence par un horoscope, matinale. Je crois. Excellent. On va être là, alors. Alors, pour la suite, je vais me préparer parce que j'ai des trucs à assumer, en fait. Bah, je vais le faire, je l'assume avec vous, en fait, pour vous raconter un truc qui va me faire du bien. Alors, on lance des petits trailers. Comment vous dire? Moi, pour me faire du bien, ça marche de regarder des gros films d'action. Et oui, pour la plupart, faut enlever pas mal de lunettes pour pouvoir vraiment profiter de les voir. Moi, j'arrive assez bien. Mais comment expliquer ou justifier ça? Alors cette fois, c'était facile en fait, j'ai trouvé toutes mes réponses sur Wikipédia. Parce qu'en fait, là, c'est écrit sur les films d'action. Écoutez, les films d'action est un genre cinématographique qui met en scène une succession de scènes spectaculaires, souvent stéréotypées, course-poursuite, fusillade, explosion, construites autour d'un conflit résolu de manière violente, généralement par la mort des ennemis du héros. Le cinéma d'action se rattache essentiellement au cinéma populaire. Nombre de ses œuvres s'achèvent par une happy end et reposent sur des éléments familiers au grand public. Héros forts et courageux, personnages féminins séduisants avec lesquels ce dernier aura une liaison, méchant, infâme, second rôle humoriste. Par ailleurs, on reproche souvent aux films d'action de n'accorder qu'une faible importance à la profondeur psychologique de leurs personnages et de reposer sur des intrigues stéréotypées qui ne sont, dans certaines œuvres, qu'un prétexte pour ménager des scènes spectaculaires. Le cinéma d'action est également caractérisé par son manque délibéré de réalisme. Il n'est pas rare d'y voir un héros tuer à lui seul une centaine de méchants armés jusqu'aux dents et éviter toutes les balles qui lui tirent dessus, survivre à une explosion avec seulement quelques égratignures ou sortir indemne d'une chute de 15 mètres qui s'achève dans une piscine de moins de 2 mètres de profondeur. Il semble alors logique que le film d'action contemporain tente de plus en plus à l'autoparodie. C'est tout simplement ça. C'est facile. On tue celles et ceux qu'on déteste, qui ont fait mal aux autres, aux celles qu'on aime ou au monde entier, on les bute. On a des belles muscles, des belles voitures rapides, avec des moteurs qui rendent si satisfaisants, et on est si forte. Après, tout le monde est contente. On est des héros. On se barre avec le ciel en couche de soleil, avec une amoureuse sur la moto ou dans une cabriolet. Fin d'histoire. Et oui, alors, dans les moments où j'ai envie de buter tout le monde, ou souvent plus précis le patriarcat, ça me fait du bien de mater un bon gros film d'action. Et pour fêter ça, en plus, avec des très belles bruits des voitures rapides, on va s'écouter le Michael Schumacher song. Allez danser sur cette techno incroyablement bon. Et on se voit dans 2 semaines, finalement. Dans, on ne sait pas avec quoi, mais avec un autre thème. Bonne soirée à vous et on espère que ça vous avait fait du bien d'écouter des petits extraits, des lasiques, la poésie, des textes, des dédicaces d'amour, tout ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher. in der Box. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher 20 Sekunden vor. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5,5 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen. Schumacher ist Weltmeister.